Radio Lyon 89.5. Une mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes donc sur Radio Dio 89.5 pour peut-être notre dernier direct de l'année scolaire de Comme un ouragan. En tout cas, aujourd'hui, on est très contente d'être là. Il se trouve qu'on est deux. Du coup, je suis actuellement seule dans le studio direct et nous avons notre cher camarade en technique. Du coup, on en profite pour faire un gros big up aux copines et aux copains de Comme un ouragan. Allô, on pense à vous. Cette émission aujourd'hui, on va causer formation, auto-formation, formation autogérée, parce qu'il se trouve que dans le monde féministe et anticapitaliste, il y a beaucoup de gens qui savent faire plein de choses, qui connaissent beaucoup de choses, beaucoup de gens qui aiment apprendre, beaucoup de gens qui aiment organiser des formations, et que tout ça, ça se mélange à l'intérieur des gens, et que du coup, on avait envie de faire une petite tournée d'horizon des différentes formations autogérées sur les bases féministes et anticapitalistes, aussi parce qu'il se trouve que moi-même et Outa, on a été dans des positions de formatrice dans des domaines assez différents et qu'on s'est mis en parler, on s'est dit ah quand même ça a été des sacrés chantiers, sacrées rencontres qui nous ont mis des nœuds et des étoiles dans la tête et qu'on avait envie de causer de tout ça. Du coup il y aura pas mal d'interviews de différents crews qui font des formations dans différents domaines. Voilà. Exactement, comme Alice elle a dit, on va faire cette émission sur des formations féministes et anticapitalistes. Et en fait, on a interviewé trois collectifs différents. Il y a le Toolbox, il y a le Tangente et il y a la formation de Marie au Attaque SUI, qui est une formation mécanique. Et celle qui va être en live, en direct au studio. Sur le street medic de formation. Et en fait, on va commencer avec un petit montage où il y a mes chers camarades de l'équipe Toolbox qui ont répondu à des questions pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est Toolbox, pourquoi c'est féministe, anticapitaliste, qu'est-ce qui reste comme question, tout ça. Et on va s'écouter ça avec un peu de la musique et tout ça. Et je voulais rajouter un truc. Et mais oui. Ouais, ça marche pas bien. Si on oublie bonne écoute. Non, c'était pas ça. Mais bon, alors je vais sûrement dire bonne écoute. Je m'appelle Ouli. Je fais partie du collectif Toolbox. On a monté ce collectif il y a à peu près 5 ans. C'était un petit peu dans la continuité d'un autre projet qui s'appelait le Sissi Chantier, qui était un projet. De chantier solidaire entre meufs, gwyn, trans, intersexes du bâtiment. Et du coup, ce chantier, il a grossi, il a pris de l'ampleur. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir sur ce projet, qui était un chantier, mais qui n'étaient pas formés forcément au métier du bâtiment. Et du coup, le chantier se transformait de plus en plus en chantier école. Et ce n'était pas l'objet premier du Sissi Chantier. Donc petit à petit, on a commencé à se dire, bon, ben, y a des gens qui ont envie de se former. Apparemment, ils et elles ont du mal à trouver des endroits où se former. On avait des super mauvais retours de gens qui revenaient de formation au Greta, à l'AFPA, qui avaient fait un mois et puis qui avaient craqué en formation à menuiserie, charpente, maçonnerie, parce que c'était y avait beaucoup de sexisme, de transphobie, voilà. Et du coup, on a monté ce petit projet qui consiste à organiser des stages dans les domaines du bâtiment, de la construction et du bricolage pour des meufs gwyn trans intersexes. Donc moi c'est Kiz, je veux bien reprendre, c'est toujours, du coup je parle toujours pour le collectif Toolbox. Une formation un peu classique qu'on fait, souvent c'est des formations de 4 jours. Quand c'est à différents moments de l'année, on essaye de les faire sur des week-ends pour qu'il y ait des personnes... qu'il y ait plus de gens qui puissent venir. Enfin, on fait des formations où on envoie l'invite sur une grosse liste. On a une liste de participantes, il y a 500 personnes inscrites, c'est beaucoup. Et c'est des personnes qui se sont inscrites au fur et à mesure des 5 années, où l'invitation à s'y inscrire a été envoyée sur d'autres listes, où c'est des personnes qu'on croise ou qui se passent le mot de bouche à oreille. Après, on fait d'autres formations où les invitations ne passent pas sur les listes. Et c'est souvent des propositions de collectifs qui sont en lien avec des personnes qui ont envie d'apprendre des trucs en différents contextes. Je m'appelle Stella. Donc, on essaie de faire des petites formations entre... majorité des fois c'est pour 6 personnes, des fois pour 8, donc on essaie d'organiser des formations qui sont d'une certaine qualité, parce qu'on a normalement 2 formatrices, formateurs. Du coup, voilà, les invités envoyés, on donne aux gens le temps de répondre, et après, très souvent, vu que la demande est assez importante, on est obligé de faire un petit tirage ou ça. Et du coup, les gens, ils ont invité de confirmer leur place et ils ont invité à venir à participer à ces stages qui sont normalement dans des lieux collectifs où donc ils sont nourris et logés pendant 4 jours et ils participent chaque jour à la formation donnée, quoi. Les contenus de la formation, pour donner des exemples de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de formations de soudure, par exemple. Il y a eu des formations de menuiserie, d'initiation aux outils, de stuc, de maçonnerie. Enfin, on ne va pas toutes les nommer, mais de ces domaines-là. On essaye de faire différents niveaux, que ça soit pas que des stages d'initiation ou des formations d'initiation, mais aussi des niveaux 2. On peut dire aussi que les formatrices et formateurs sont toujours des gens qui viennent plutôt dans le milieu professionnel. Ils ont une connaissance et cette envie de vraiment faire un partage de savoir-faire où l'argent n'est pas du tout inclus dans la formule, quoi. C'est l'envie de partager, quoi. Et je trouve un des trucs féministes, c'est le cadre de partir du principe que, comme je disais tout à l'heure, on a eu des mauvais retours de gens qui sortent de formation. Plutôt Greta, AFPA, et du coup d'essayer de donner un cadre le plus confortable, propice à apprendre, du coup d'être dans des espaces d'ateliers assez spacieux. On essaye qu'il y ait des outils vraiment pour toutes les participantes, vraiment en général 2 formatrices pour pouvoir être disponibles, répondre aux questions, un environnement en fait pour apprendre de manière chouette. C'est pour ça qu'on a aussi des formations qui sont minimum 4 jours, on s'est rendu compte de ça. Aussi, c'est souvent des personnes qui viennent professionnelles, mais il y a aussi cette envie que ça soit un outil pour que les personnes apprennent à transmettre aussi, ou se testent sur la transmission, d'où aussi l'envie qu'il y ait 2 formateurs, formatrices. Après, comme outil, on a aussi mis en place un début de priorisation dans la politique d'invitation. On a essayé de mettre un système de priorisation en place, où on voudrait prioriser les personnes qui subissent le racisme et la transmisogynie. C'est les choix qu'on a fait jusque-là. Et du coup, pour ça, on a demandé aux personnes qui ne la subissent pas de se signifier. Au moment des inscriptions, et on priorise les personnes qui ne signifient pas. Ça, c'est encore des choses qui sont en réflexion et en évolution constante. On a un système pour les formations qui passent sur la liste, parce qu'il y a un autre système de gratuité totale. Mais en tout cas, on a un système de prix libre. On indique le prix coûtant que coûte la formation, tous les frais impliqués, les défraiements du lieu, les défraiements des déplacements des personnes qui organisent, qui font la cuisine et qui viennent transmettre, les frais de la nourriture, parce que les personnes sont nourries, les matériaux et les prêts d'outils. Et du coup, on indique ce prix-là. Pour autant, c'est un prix libre, et on essaye d'expliquer quand même dans l'invitation que c'est vraiment ouvert au fait que c'est un prix libre, et que si les personnes n'ont pas ce montant-là, ça puisse quand même venir, en disant qu'on a déjà une caisse, nous, de soutien existante, qui fait que si les frais ne sont pas couverts, en fait, il y a quand même une marge. Et les formations sont entre 20 et 70 euros en fonction de ce qui a été proposé et ce que ça a pu coûter à ce moment-là. Oui, il y a certaines questions qui effectivement reviennent depuis, probablement depuis le début de ce projet. Notre politique d'invitation, il a bien évolué. Le système de priorisation. Aussi, la question autour de la thune, qui est défrayée, qui n'est pas défrayée. Qu'est-ce qu'on prend en compte vraiment pour les coûts vrais de chaque formation. Aussi, l'ouverture de notre réseau, comment toucher des gens qui viennent plus loin de notre milieu, réseau. Que vraiment le rapport à l'argent ne soit pas un frein pour les participantes à venir. Et comment aussi on arrive à valoriser le travail qui est fourni. Donc nous, on a décidé de ne pas salarier les organisatrices, les formatrices et les cuisinières. Par contre, c'est important pour nous quand même de donner de la reconnaissance. Ça, c'est des questions quand même qu'on a pas mal brassées. Du coup, pour l'instant, on défraie toutes ces personnes sur les trajets. Et puis, les personnes qui sont formatrices ou organisatrices ou cuisinières, elles peuvent bénéficier d'une formation par an, d'être en tout cas priorisées sur une formation par an. Puis on expérimente un peu d'autres choses. Et c'est aussi une question assez récurrente, ouais, ce truc de comment on valorise autrement que par l'argent. Et aussi des besoins. Des fois, si on avait des besoins particuliers, des demandes de besoins particuliers, on essaye de mettre en place des trucs pour essayer maximum inclusif de tout le monde. C'est un projet politique pour vous ? Franchement, non. On fait ça parce que... On se fait chier dans la vie. On n'a pas beaucoup d'autres trucs à faire. C'est vrai qu'à chaque fois, on bouffe plutôt bien. Ouais. Moi, ça me fait chier de cuisiner. Mais quand c'est d'autres qui cuisinent... Ouais, c'est des équipes de cuisine qui sont là. Du coup, c'est plutôt cool. Bon, il y en a qui en profitent pour plus chaud. Ouais. Plus chaud, au mieux. On arrive aussi à se faire des potes. Du coup, tu chopes des adresses pour partir en vacances. Tu sors avec beaucoup de 06. Ouais, au moins des 06. Et toujours dans des lieux vraiment cool, quoi. Ouais, la campagne, enfin moi j'habite en centre-ville, j'avoue que c'est un gros plus pour moi. Non, bah c'est aussi un petit peu politique aussi, en fait. Il y a quelques valeurs derrière, quelques questionnements, le rapport... Non, là je peux pas. Le rapport au collectif. S'approprier ensemble, savoir-faire. Non, ça va pas comme ça. Oui, c'est politique. Merci aux camarades de Toolbox d'enfin prendre le temps et le courage de me répondre à nos questions. Et après, le prochain petit montage ou interview, ça va être Marie qui va nous parler ou expliquer comment ça marche, la formation mécanique. Et je voulais faire une petite dédicace spéciale à toi, Marie, parce que je voulais te remercier pour tous les trucs que tu m'as appris. Je te remercie beaucoup parce que franchement, c'était super et c'est encore super toutes les années de faire du make-up avec toi et de toujours demander à toi si on ne sait plus quoi faire ou comment faire. Merci. depuis 2020 une formation au sein du garage associatif Takesui à Saint-Étienne. C'est une formation qui se déroule sur 10 semaines, étalée sur l'année scolaire, pour former des personnes aux bases de la mécanique auto et, quand elles le souhaitent, les accompagner sur le diplôme national du CAP de maintenance des véhicules automobiles en candidate libre. J'ai fait ma formation en 2006 et j'ai tout de suite animé des ateliers d'initiation dans le squat où je vivais à l'époque. Puis jusqu'en 2012, je n'avais pas d'atelier, je vivais dans des squats, du coup je n'avais pas toujours d'espace atelier. Donc je me déplaçais dans des lieux collectifs, des squats, des fermes collectives, des espaces autogérés avec mon matériel et je faisais des ateliers d'initiation et des chantiers sur des véhicules, mais en mode accompagnement déjà, avec plusieurs véhicules sur une semaine et un binôme sur chaque véhicule. En 2013, j'ai ouvert mon premier garage associatif, mais j'ai dû faire une nouvelle formation pour me perfectionner. Et en 2017, j'ai ouvert le garage associatif Takesui à Saint-Étienne, qui est aujourd'hui tenu par un collectif de mécaniciennes. Et en 2020, au début de l'été, une amie m'a parlé de l'école des Renardes. Et je lui ai demandé ce que c'est. Et je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais faire. Donc en rentrant de vacances, une semaine plus tard, je les ai contactés, je leur ai posé 1000 questions et j'ai décidé de lancer ça pour la rentrée 2020, septembre 2020. Donc j'ai toujours pratiqué la méca en mode partage, échange de savoir, mais principalement avec des personnes pas qui étaient passionnées ou qui avaient envie d'être mécano, juste parce qu'elles avaient besoin. Et là, me dire que je pouvais transmettre dans le détail tout ce que j'ai appris toutes ces années, j'étais super motivée. Et puis l'idée est arrivée à un moment où j'en pouvais plus de la précarité, de la cave, du RSA, tout ça. Et à Takesui, on travaille essentiellement bénévolement. Et la Forma, elle me permettait de me rémunérer, vu que je la lançais en prix fixe, au moins en partie. Enfin, je crois que c'est aussi arrivé à un moment, au bon moment, parce que depuis 4 ou 5 ans, c'est aussi une vague. Les meufs Gwyn Trans féministes qui aiment bricoler se tournent plus vers ce métier qu'il y a 15 ou 20 ans. La formation se déroule sur 10 semaines et cette année elle coûtait 1 800 € par personne, ce qui couvre les frais du garage sur 10 semaines et mes heures du travail. Sur chaque semaine, du lundi au vendredi, il y a environ un tiers de cours théoriques et deux tiers en atelier. En atelier, on travaille soit sur des véhicules école, soit sur des véhicules des adhérents. Et les lundis, on tient à la permanence de Takesui où les gens viennent sans rendez-vous. Pour les cours, plus ou moins, j'utilise le programme du CAP. À la première rentrée en 2020, j'ai lancé les inscriptions sans vraiment y croire. Je me disais, si mini 4 personnes s'inscrivent, je la fais. J'ai demandé à une amie de mettre mon texte de présentation sur la liste Rhône-Alpes féministe et en 48 heures, j'avais 2 groupes de 6 personnes inscrites et beaucoup que j'avais dû refuser. À ce moment, j'ai juste pris tout dans l'ordre chronologique des gens qui m'ont contacté. Mais vraiment, parce que je croyais pas, j'étais pas prête. La rentrée 2021, j'ai pas communiqué, c'est juste le bouche à oreille ou les personnes qui avaient été refusées l'année précédente qui ont demandé. J'ai fait tourner le mot qu'il n'y avait que quelques jours pour s'inscrire début juillet. 25 personnes ont demandé. J'ai pris les 2 personnes qui avaient demandé l'année précédente et qui redemandaient. 2 personnes qui vivaient soit tout le temps, soit au moins un mi-temps à Saint-Étienne. Une personne qui n'est pas valide à 100% selon les critères de notre société. Et une personne tirée au hasard sur les 20 restantes. Voilà, sur 6 personnes, je ne prenais jamais plus de 1 mec 6. Et cette année, il se trouve qu'il n'y en avait pas. Sur les questions qui restent ouvertes, je crois que j'ai pas du tout à fait résolu d'être sereine économiquement, mais bon, je crois pas que ce soit possible dans les conditions dans lesquelles je travaille pour l'instant. Et la question que je me pose plus sur la formation elle-même, c'est que si je continue, je voudrais que ça sorte d'un petit côté middle. Je veux dire, c'est normal que ça ait été le cas, vu que j'ai très peu communiqué, j'ai communiqué autour de moi, mais pas très loin. Mais si je continuais, je voudrais que ça change. La formation est anticapitaliste parce qu'on se forme à Takesui, qui est un atelier d'entraide, que les thunes de la formation ne payent que des frais et mes heures de travail, donc environ 600 heures de travail. Il n'y a pas de bénéfice et pas du tout de but de rendement, mais c'est un but de se former dans la qualité. C'est féministe parce que l'accès est priorisé aux meufs Gwyn Trans, limité à 1 mec 6 sur un groupe de 6 personnes. Et sinon, la formation, la mécanique, la transmission, je la fais d'un point de vue féministe. J'essaie de donner confiance en soi en premier. L'automobile, c'est un monde spécialement viril. Et puis techniquement, ma base de transmission, c'est que la force, c'est de la technique. Ça s'apprend, ça n'a rien à voir avec les muscles. Depuis 2005, où j'ai décidé de me former en mécanique auto, jusqu'à maintenant, j'ai pas cessé de pratiquer la mécanique d'un point de vue politique, sinon ça ferait longtemps que je travaillerais dans des garages commerciaux. Du boulot comme ça, on m'en propose régulièrement. Jusque-là, ça me fait pas plus envie, même si j'en peux plus depuis longtemps de pas avoir un vrai salaire. N'empêche que mon but d'autonomie, d'autogestion et de reprise en main des technologies, de la technique, ben c'est ça qui m'a fait commencer et qui fait que je continue encore maintenant. Je voudrais écouter un morceau de Raja Méziane, qui est mon idole algérienne rebelle, un morceau qui s'appelle « Un million de vies ». Des maîtres que tu vois, tant de peine, tant de fois. Me suis battue, restée sur la voie, sans que je crie, sans hausser la voix. J'ai jamais changé, ouais, c'est la vraie moi. À force de vrai, à force de bras. Toutes ces années où il faisait froid, ma place était au chaud, elle attendait que moi. Du trou, le guerrier se repose pas. Ce que t'as dans les poches te revient pas. Tu peux compter, je t'entends pas. Toi, à force de vue, moi, à force de bras. Vas-y, compte, compte, compte avec moi. Merci Marie pour cette petite interview qui était super. On comprend bien tout. Et comme on est en direct au studio et que vous comprendrez bien qu'on est en direct, on va faire une petite interview complètement improvisée. Mais de qui ? Mais de qui ? Avec notre invitée Alice, qui est formatrice dans un petit collectif qui font des formations des street medics. Mais en fait, elle va nous tout expliquer elle-même. Et finalement, ça va être moi finalement, qui va te poser des questions. Alors, cher invité, tu veux bien te présenter toi et le projet, nous donner une petite historique ? Mais bien sûr, déjà je veux bien commencer par dire que ce collectif, on a été 7 pendant pas mal d'années, puis 6, et que mes camarades que j'ai sollicités pour cette interview, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, et ils m'ont dit « Oh non, plutôt on parle de notre vie et l'interview pour plus tard », et ils m'ont autorisé à répondre à cette interview en mon nom propre, en espérant que je raconte pas trop de conneries, mais je pense pas. Je vais faire gaffe. Ouais, et du coup, moi je m'appelle Alice, et du coup j'ai été formatrice, parce que maintenant je fais plus partie du projet, on a donné des formations street medic. Ce projet, il a commencé en fait il y a assez longtemps, parce qu'il a commencé il y a à peu près une douzaine d'années, où une copine qui a été motrice après dans ce projet de formation a reçu une formation de street medic et elle s'est dit mais ça c'est vraiment un gros manque qu'il y a en ce moment dans les mouvements sociaux, dans l'activisme en France, et elle s'est lancée à donner quasi toute seule des formations à partir de cette première formation qu'elle avait reçue. Et petit à petit, autour d'elle, on a constitué un crew pour peaufiner cette formation. Dans cette formation, moi, je suis médecin généraliste. À l'époque, quand ça a commencé, j'étais étudiante en médecine en quatrième année ou un truc comme ça. Et tous les autres camarades, on a été sept quasiment dès le début. Je veux dire, la copine, elle a fait ça un petit peu toute seule, mais pas très longtemps. Et le moment de la formalisation à 7, c'était il y a une dizaine d'années. Et les autres camarades, il n'y a personne qui était professionnel de la santé. Du coup, ça a vraiment été une formation qu'on a construite petit à petit à partir essentiellement des bases du secourisme et de bases médicales adaptées, on va dire, dans les moments de lutte sociale. Et tu peux nous dire, c'était quoi le moteur ou l'idée de lancer ce projet ou donner ces formations ? Je pense vraiment le gros moteur qu'on avait, c'était de dire, la première chose qu'on avait envie de mettre en avant, c'est de dire, nous on se considère comme des activistes dans les luttes sociales. Et la question de l'autonomie à différents niveaux, elle se pose, et l'autonomie dans les soins, elle se pose aussi comme dans d'autres domaines, et aussi de dire qu'on est dans un monde violent, qu'il peut y avoir des situations particulièrement exposantes où il y a des camarades qui se font blesser, que ça soit dans les corps ou dans la tête, et qu'on avait aussi envie de réfléchir à comment est-ce qu'on se rend autonome. Alors autonome, ça veut dire on tend vers ça, mais en tout cas comment est-ce qu'on se donne des billes pour prendre soin aussi de nous, de nos blessés, à l'intérieur de nos luttes, mais à partir du point de vue activiste. Ça veut dire qu'on ne se positionnait pas du tout comme des gens secouristes de la Croix-Rouge ou autres qui sont là pour soigner les participants d'un conflit, quel que soit le conflit, mais plutôt à la base, on est dans des luttes, il se trouve qu'on est en confrontation directe, il se trouve que ce monde est violent, et comment est-ce qu'on prend soin de nous ? Donc ça, c'était un des premiers gros bonheurs, de se filer des billes et de donner des bases concrètes d'autonomie dans les soins. À partir, nous, on a vraiment un parti pris de dire qu'on s'inspire vraiment du secourisme classique, c'est-à-dire connaître un peu les premiers gestes qui peuvent... je sais pas comment dire, enfin en tout cas les premiers gestes qui limitent la casse quand il y a des grosses blessures, à partir en fait des formations type PSE1, PSE2, les formations un peu pompiers, tout en donnant un peu des bases d'anatomie aussi, de compréhension de comment ça fonctionne le corps humain, etc. Et tout ça en se le réappropriant au maximum. C'est-à-dire qu'on avait aussi, de par qui on est, on avait une on a, on va dire, une grosse critique du modèle médical très autoritaire, très descendant, et modèle médical qui reproduit tout un système de domination, que ce soit le sexisme, le racisme, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour à la fois retransmettre ce savoir-là qui est très codifié, très normé, tout en filant concrètement les bases et en même temps les remaniant à notre sauce qui nous correspond plus, quoi. Tu peux nous bien raconter c'est quoi un déroulement un peu typique de votre formation? C'est quoi le format? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous forme? Qui vous forme? Tout ça. Ben, toi, tu as fait une formation, du coup, tu peux raconter... Non, c'est toi l'invité qui va raconter tout. Ça a bougé un peu, mais sur les dernières années, c'était assez fixe. On a fait... Alors, il y avait deux types de formations. Il y avait une formation courte qui était vraiment très axée à apprendre les premiers gestes techniques qui durait 2 jours. Mais celle qu'on a fait le plus, et notamment avec le crew de 7 puis 6, c'était une formation de 10 jours complets de formation et passer de 2 jours de pause, quoi. Du coup, c'était 4 jours de formation, grosso modo 9h-18h, 2 jours de pause, puis 5 jours de rebelote de formation. Et ça, on l'a fait entre 1 ou 2 fois par an pendant à peu près 6-7 ans, quoi. Et on formait, du coup, à chaque fois, on avait pensé le truc pour 20aine de personnes. Du coup, ça veut dire qu'on était un crew de 26 personnes, plus ou moins des personnes qui venaient faire la bouffe. Ça dépendait des moments. Et est-ce qu'il y avait un cadre féministe et anticapitaliste posé pour ces formations ou ça est venu comme ça ou déjà, est-ce que vous vous nommez féministe anticapitaliste ou tu peux... Oui, ouais. Ouais, il y avait, je pense que ce cadre-là, il était hyper important et on essayait de le traduire et dans les invites et à l'intérieur de la formation. Du coup... peut-être pour partir plus du féminisme, moi j'ai l'impression qu'il y avait déjà tout un boulot qu'on essayait de faire en amont parce qu'on a quand même beaucoup bossé là sur ces formations-là avant de les donner et pendant les moments où on les donnait et entre chaque formation, notamment de réfléchir à quand on part du savoir brut, protocolaire donné par la médecine et le secourisme, comment est-ce qu'on réfléchit à, mais ça en fait c'est sur quelle base, par exemple des normes de poids, des normes biologiques qui sont en fait toujours appliquées pour les gars cis, hétéros, blancs, du coup ça c'était des espèces de, enfin c'était des réflexions de pas donner des informations brutes sans avoir cherché à les décortiquer avant. Il y avait tout un travail sur les illustrations aussi parce que une des bases de la formation qu'on donnait c'était du coup un truc qu'on a écrit en fait qui faisait beaucoup de pages et on avait demandé à tout un tas de camarades de refaire tous les schémas par exemple les schémas de gestes avec que ça soit pas que des corps blancs maigres qui fassent les gestes mais qu'on voit d'autres personnes par exemple. Sur le cadre féministe aussi, bah, je pense, comme l'a dit Marie, il y avait vraiment un enjeu sur donner la confiance en soi, réfléchir à c'est quoi les postures, les places qui sont prises, avec un enjeu double dans le soin, parce que nous, par exemple, c'est une formation qu'on n'a surtout pas voulu en mixité choisie sans mixis hétéro, parce que ça va être spontanément plutôt les personnes... minorisés sexuels qui vont aller se mettre à ces endroits-là. Et nous, on avait vraiment envie qu'il y ait des gars cis qui viennent s'emparer de ça. Mais que aussi, ça faisait que, par exemple, il y a du travail en binôme. Du coup, c'était réfléchir à qui fait quoi dans une action un petit peu stressante et quelle posture spontanément tu prends et essayer de faire un peu de retransmettre un peu des trucs autour de ça. Et dans les autres choses au niveau du féminisme, nous on avait aussi hyper envie qu'il existe toute une journée de formation autour de la réduction des risques liés à la sexualité. Là on faisait venir une camarade qui taffe hyper bien ces questions-là et du coup il y avait toute une journée vraiment spécifique à ça avec aussi l'idée que quand t'as une tente médic sur un camp, eh ben, on n'avait pas envie que soit invisibilisé aussi le fait qu'il y a des gens qui viennent parce qu'il y a eu une agression sexuelle dans la nuit et que du coup tu peux être dans des positions d'accueil par rapport à ça et que c'est important pour nous aussi que les gens ils aient des billes par rapport à ça sur des postures d'accueil, des postures autour de la réduction des risques et tout ça. Et sur le bout anticapitaliste, bah ça je pense que c'était hyper essentiel, un peu comme j'ai dit au début, quoi. C'est Nous, à la base, on se définit comme des militants anticapitalistes, partie prenante de lutte sociale. Du coup, ça veut dire nous, ce qu'on voulait former, c'est des gens qui vont dans les luttes et qui les font exister. Et je pense que ça se traduisait aussi par le prix libre. Enfin, pas le, ouais, si, si, ouais, le prix libre. C'est-à-dire que nous, on ne s'est jamais salarié pour ces formations-là. On s'est défrayé à chaque fois, mais on voulait faire que ça soit accessible et que le prix ne soit pas un frein pour venir faire ces formations-là. De temps en temps, il y a eu des sous qui sont arrivés plutôt par des soirées de soutien. Il y a eu, à un moment donné, un don ponctuel. Et ça a notamment permis d'acheter pas mal de matos, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait une espèce de qualité. Du coup, on avait les petits bonhommes là, pour faire la réanimation cardio-pulmonaire, les petits bonhommes qu'ont les pompiers. On avait, voilà, entre autres. Et même si j'ai l'impression que tu as déjà pas mal dit, mais si tu veux rajouter, c'est avec quels outils que vous avez réalisé cette cadre féministe anticapitaliste. Après, si tu as l'impression que tu as déjà tout dit, moi perso, ça m'intéresse même, je sais, j'ai déjà fait cette formation, mais je trouve ça intéressant pour les autres d'expliquer un peu plus comme, je me souviens, on a fait pas mal des situations pratiques là, des mises en situation. Ouais, des mises en situation. Peut-être tu as sinon envie d'expliquer un peu plus ça, ou si tu penses à d'autres outils qui permettent de réaliser cette cadre. Après, moi j'ai l'impression que là les outils c'était il y a déjà là tout ce que j'ai dit sur comment est-ce que tu réfléchis à ce savoir médical hyper hétérocentré, etc. Et comment est-ce qu'à la fois t'en prends des bouts et comment est-ce que tu viens le critiquer. Ça, c'était vraiment tout le bout en amont. Et après, sur les mises en situation, j'ai l'impression qu'en tout cas, nous, ce qu'on essayait de faire, c'était vachement de discuter sur aussi la posture, quoi. De dire, on a vachement soit un peu l'image du médecin qui va prendre toutes les décisions pour toi, soit l'image du pompier qui vient faire des gestes de secours en mode hyper viril. Et plutôt, là, on avait envie de dire, mais en fait, c'est tout à fait possible de refiler des bases à la personne qui est blessée, de lui dire, mais en fait, là, il se passe ça. Nous, on a l'impression qu'on pourrait faire ci ou ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était vachement travaillé, ouais, c'est ça, sur la posture et ce qu'on disait, le consentement de la personne à qui on fait les soins, quoi. Oui, carrément. Moi, j'avoue, je trouve que c'était tout ce que tu as dit quand j'ai fait la formation. En tout cas, c'était vraiment super. Et un super bon cadre pour aussi de se sentir capable, quoi. En tout cas, moi, je me souviens, quand je suis arrivée, j'ai vraiment aucun base médicale, premier secours, je ne sais pas. Et même, j'avoue, là, j'ai beaucoup oublié parce que je n'ai pas pratiqué. Mais ce truc de donner aussi la confiance et de dire, en fait, il y a des bases qui sont seulement aussi dans des situations qui peuvent être quand même assez urgentes. Comment tu peux réagir, et c'est pas un truc de pro seulement, mais aussi comment tu restes calme, qui tu dois appeler, comment tu parles avec la personne, qu'est-ce que tu peux faire. Alors, ouais, et ça, c'était. Moi j'ai trouvé que ça fait partie des trucs qui étaient vraiment géniales à faire cette formation-là sur plusieurs années avec le même crew. C'est que aussi, à un moment donné, tu deviens un peu fou d'essayer de peaufiner tous tes outils pédagogiques, quoi. D'effectivement de se dire, mais là, l'objectif, c'est que, ouais, il y a une grosse masse d'informations théoriques, mais en fait, faut pas que ça fasse peur, quoi. Enfin, en tout cas, faut trouver plein d'outils pour que petit à petit, ça rentre, que les gens, ils en ressortent avec plutôt le sentiment de, ah ouais, bah là, je vais réussir à être autonome. Il y avait plein de questions aussi sur, effectivement, le positionnement de dire, vers qui spontanément les gens ils se tournent quand ils sont blessés, c'est qui va avoir la voix de l'autorité, que ce soit la voix de l'autorité médicale ou la voix du gars 6 qui dit bah là il faut faire ça tout de suite, et du coup comment est-ce que tu désamorces ça, comment est-ce que tu arrives à amener ton point de vue, et que ça c'était ça a été pas mal de taf, et juste en expérimentant en disant ah bah là on s'est foiré, ah bah peut-être si on fait comme ça va mieux marcher. Oui, et si peut-être, je voulais juste redire, ouais, un des autres objectifs aussi avec cette formation, c'était aussi vachement réfléchir aux enjeux de l'ego. Moi, j'ai l'impression que c'était aussi se dire, en fait, on accumule plein de connaissances aussi en étant dans les luttes sociales, en voyant comment ça se passe à l'hôpital, en sachant à quel endroit les flics ils vont pouvoir aller choper les gens, etc. Et c'était un peu se refiler aussi plus de billes sur... comment est-ce qu'on prend moins de risques de répression par rapport à ça. Et ça, c'était vraiment de la connaissance par nous, ce qu'on avait expérimenté, et aussi les gens qui faisaient les formations, qui nous disaient « Ah bah moi, il est arrivé ça, etc. » Enfin, c'était vraiment du construction de savoir hyper pratique, là, qui était d'apprentissage de plein de petits outils qui étaient vraiment chouettes. Moi, j'aurais une dernière question qui est un peu comme... Toi, tu trouves, ou votre groupe, qui reste un peu des questionnements ou un peu, comment dire, un peu des nœuds qui sont là, qui reviennent autour de toutes ces réflexions autour de cette formation? Je pense des nœuds, en vrai, il en restait plein. Après, je pense sur différents plans, mais si... moi, je pense sur la fin, on s'est beaucoup posé la question de qui est-ce qu'on forme. Parce que nous, c'est ce qu'on disait au début, on avait envie de former des gens en fait, qui vont en manif. Et puis en fait, par le petit réseau dans lequel on était, on s'est retrouvé à former surtout finalement des gens qui étaient dans des lieux de vie. Et c'est chouette, hein. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas un truc de « il faut réserver le savoir spécifiquement à des gens », mais qu'à un moment donné, il y avait un peu une perte de sens aussi de se dire que quelque part, ça nous allait de former des gens avec qui on avait peut-être moins d'affinité personnelle immédiate, mais peut-être qu'on se retrouverait plus côte à côte dans des moments de confrontation, parce que c'est aussi un savoir brut qu'on avait envie qu'il soit utilisé pour vraiment prendre soin de ces moments-là. Je pense que la question, c'est pas facile aussi de réfléchir, c'est quoi la limite de ce qu'on apprend, de ce qu'on retransmet, de comment est-ce qu'on se remet en question. Je pense c'est aussi vachement en bricolant là tous les six ensemble qu'on s'est vachement rendu compte de comment le savoir médical il était très non questionnable. C'est il y a un protocole, c'est comme ça, et du coup c'est jusqu'à quel point on vient le remettre en question et à quel moment là on dit bah non, ça quand même là il faut vraiment le transmettre comme ci comme ça. Et des fois ça crée de la frustration aussi chez des gens. Je pense qu'il y avait des gens qui s'attendaient à ressortir avec savoir faire des points de suture, savoir faire plein de trucs, être hyper autonome, savoir faire un peu des trucs de fou. Et comment est-ce que aussi on renvoyait aux limites en disant attention, c'est qu'une formation de 10 jours, et tout en maintenant un soutien dans l'autonomie et le fait qu'on sait faire plein de trucs. Et après, pareil, moi je pense que la question de qui est-ce qui est blessé, qui est-ce qui est exposé le plus à la violence dans ce monde et à la violence policière, et bah, c'est aussi les personnes racisées des quartiers populaires, et que nous, le réseau dans lequel on s'adressait, c'était aussi très finalement des luttes sociales assez limitées, et que du coup ça c'est des questions aussi qu'on a abordées. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette interview en direct, cet long voyage. Bien évidemment, on va vous défrayer parce qu'on prend en compte tout le travail qui est fait, même bénévolement. Et en fait, on va enchaîner avec une mini montage qu'on a fait. Là, il y avait un échange de rencontres sur des formations féministes, anticapitalistes, plutôt quand même dans... Bon, c'était l'équipe Toolbox qui a organisé. Et j'ai demandé à des personnes, c'est quoi pour toi une formation féministe et anticapitaliste? Pour moi, c'est un atelier où clairement cette question-là, elle est posée. Et du coup... dans l'orga et avec les personnes qui participent. Et pour le féminisme et l'anticapitalisme, pour moi, c'est vraiment un atelier où clairement c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas forcément un enjeu de thune. C'est un moment où est-ce qu'on partage du savoir, où est-ce qu'on n'est pas avec des mecs cis. Et on n'est pas là pour faire de la thune, mais pour apprendre ensemble des savoirs et des pratiques. Non, franchement, attends, vous voulez me préparer? Je reviens plus tard. Je pense que c'est des gens chouettes qui prennent le temps de s'organiser ensemble et de faire en sorte que des gens qui normalement ne se sentent pas trop à l'aise dans des espaces de formation aient les meilleures conditions possibles pour se sentir à l'aise. Ouais, voilà. Donc c'est des espaces de formation qui sont pensés par des personnes qui réfléchissent à énormément de choses. C'est incroyable le nombre de détails qui est pris en compte pour que ces ateliers soient accessibles, ouverts, intéressants, formateurs bien sûr, exhaustifs, qu'on en ressorte mieux qu'avant. Et donc c'est des personnes qui s'organisent autour de ça. Et ça se passe partout, en ville, à la campagne, c'est un énorme réseau. C'est de la puissance quoi, voilà, c'est de la puissance collective, de l'autonomie. Où on est là pour apprendre des choses, soi-même et les uns une et, aux autres, sans se mettre la pression, sans compétition, mais plutôt en se soutenant. Voilà, oui, sans toute la pression qu'on a sinon un peu partout dans le monde patriarcal et capitaliste. Mon manque de moyens financiers ne vont pas être un frein à participer et où on ne va pas être dans le speed de la productivité. Que le but, c'est d'être ensemble et de faire ensemble, mais ce n'est pas le résultat. C'est un atelier où on est attentive à chaque personne et où on fait attention de prendre soin, d'être à l'écoute et de prendre soin des besoins autour de nous et de soi-même. Et pour moi, c'est un atelier en mixité choisie sans maxis, même si je sais que ça peut être autrement, mais pour moi, c'est ça pour l'instant. Tu ne peux pas trouver des autres gens? On va déjà passer au dernier montage, ou plutôt dernière interview, que j'ai fait avec deux camarades qui sont membres du collectif de Tangente. Et ce n'est pas la peine d'expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'ils vont, ils vont faire ça eux-mêmes, en fait. Moi, dans la vie, je fais de la charpente. Et avec des copains-copines, on a monté un collectif qui s'appelle Tangente, il y a 3 ans. Où en fait, c'est un collectif en mixité meuf, green, trans, intersexe. Entre personnes qui font du bâtiment dans la vie. Parce qu'en fait, on est plusieurs à avoir fait un peu des formations. Où on se retrouvait un peu la seule meuf ou la seule personne trans. Ou encore dans des métiers où encore au taf, on se retrouve seul. Et il y a eu une envie... en fait de se retrouver entre personnes qui vivaient les mêmes réalités au taf, en formation ou même dans des chantiers qui sont pas du tout dans le monde pro quoi. Et donc c'est à l'initiative de quelques copines à la sortie de formation qui se sont dit viens on va contacter les quelques personnes qu'on connaît, on va organiser une première réunion pour se rencontrer tout simplement. Et en fait c'est là que ça a commencé il y a 3 ans où on s'est vu et en fait à partir de là c'était parti quoi. Il y a eu l'envie de se retrouver régulièrement, de s'ouvrir et d'aller chercher les personnes qui peuvent être isolées dans leur pratique. Et du coup, aujourd'hui, Tangente, c'est principalement un réseau entre personnes. Des moments, des permanences de soutien pour pouvoir parler de son vécu et de se rencontrer. Mais aussi, c'est devenu des moments où on organise des co-formations entre nous qui permettent de créer vraiment du renforcement entre les personnes. En gros, ces moments de co-formation, on en a fait plusieurs. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de savoir-faire les unes les uns les autres et qu'on avait envie de se les partager parce qu'on était quand même pas mal à être en début d'apprentissage. On sortait de formation, ça faisait un an ou 2 ans seulement qu'on avait de l'expérience et on avait besoin de se renforcer, de s'entraîner, de se montrer comment on faisait les choses et on organisait plusieurs week-ends comme ça où on s'échangeait nos savoir-faire. Et ça a été vraiment des moments... assez chouettes et assez forts qui ont fait que ce groupe est de plus en plus lié. Il y a eu par exemple un week-end d'autodéfense sur chantier, donc verbal, comment on arrive à se défendre face à certaines remarques. Et du coup, ça a vraiment été un des moments forts, moi je trouve, dans l'histoire de Tangente. Ensuite, il y a eu aussi des moments de co-formation, mais plus techniques. Je sais pas, par exemple, il y a eu... un week-end apprentissage à la réparation d'outils électroportatifs par une pote qui est électricienne. Et du coup, on est plein de personnes à avoir utilisé des machines. Et en fait, on se sent limité dès qu'elle tombe en panne. En fait, on n'ose pas ouvrir la machine. On nous a jamais montré. On n'a jamais fait ça. Et en fait, les choses, elles se lient les unes les autres. Ça a vraiment créé du lien. Et on se sent vachement plus forte et vachement plus autonome dans toutes les pratiques qu'on peut avoir dans nos métiers. Moi, ce que je trouve intéressant dans Tangente, c'est la façon dont le groupe s'est constitué, même si ça partait à la base de 2 personnes qui sortaient de formation et qui se connaissaient. N'empêche que je trouve que quand t'arrives sur des réus Tangente, il y a quand même pas mal de personnes que tu connais pas ou que t'es susceptible de croiser qu'à ces moments-là. Et aussi le fait qu'il y ait des permanences de soutien une fois par mois... à destination des personnes qui pourraient être susceptibles de galérer dans leur centre de formation ou en entreprise. Ça fait aussi qu'on brasse et on rencontre des personnes, je trouve, qui sont dans des différences de réalité que nous, comme des personnes qui sont depuis des années dans des entreprises, du coup dans le monde salariat, d'autres pas, qui sont plutôt sur... je sais pas, des chantiers, plus de soutien, non rémunéré. Moi, c'est ça que je trouve intéressant avec Tangente, c'est aussi le fait que ça s'est pas constitué d'un groupe affinitaire qui se connaissait et que du coup, il y a, je trouve aussi une palette un peu différente de composition et de, je sais pas, de réalité de vie différente, quoi. Ces formations et ce groupe, c'est... féministe parce que déjà c'est en mixité choisie, donc en fait on choisit de se retrouver entre personnes minorisées pour se redonner de la force. On se pousse à l'autonomie et savoir faire les choses par nous-mêmes. Anticapitaliste parce que c'est des moments de formation qui sont à moindre coût. C'est vraiment sur une base de prix libre en faisant au maximum de la récup, en utilisant les coups de main des potes et en essayant que ce soit accessible, que en tout cas l'argent soit pas du tout un frein dans ce schéma, quoi. Et que du coup on sorte aussi de nos spécificités de corps de métier, et que les savoirs ne soient pas cloisonnés, que du coup on ait des savoir-faire, mais que ce soit vachement plus transversal, et du coup qu'on ait plus d'autonomie, encore une fois. On se pose un peu des questions aussi sur... au début, ça nous a fait beaucoup de bien de créer ces moments de co-formation, parce que on était... pour la plupart plutôt débutants, débutantes, et du coup ça nous renforçait. Mais en fait, avec le temps, si on se retrouve que le même petit groupe de personnes à se former entre nous, ça fait aussi un truc un peu cloisonné et privilégié, et que du coup, ce qui nous questionne aussi pas mal maintenant, et que la question d'ouvrir un peu ces formations, elle existe de plus en plus. Au début, ça avait beaucoup de sens, et moi je trouve qu'avec le temps, on se dit bon, bah maintenant qu'on a pris un peu plus d'assurance, est-ce que ça, faut pas aussi le donner à d'autres personnes et que ces moments de co-formation deviennent tout simplement des formations. En tout cas, ça fait partie des questions du moment. Moi, j'encouragerais par exemple les personnes à pratiquer entre elles, comme si elles se mettaient un peu en situation réelle de formation, mais que d'abord elles ont commencé à 2-3, et je trouve que ça fait partie un peu de... Ça vient me renforcer, ça cultive la confiance avec mes binômes. Et en plus, on fait comme un espèce de crash test où on anticipe les possibles questions, les possibles déroulements des formations. Ouais, moi, je le vois aussi comme un petit tremplin à la formation, de faire ça, de se dire, OK, ben, c'est un endroit où on s'entraîne, où on est dans un contexte un peu plus confiance. Et ça permet qu'après, on puisse avoir envie de le faire avec d'autres gens qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Tangente, ça a vraiment permis de créer, de cultiver de la confiance entre personnes qui tendent à vouloir faire de la formation, mais qui ont comme un peu fait des exercices entre elles, quoi, pour pouvoir arriver à ça. Et du coup, ça donne la confiance de pouvoir ouvrir, quoi, comme si on s'entraînait un peu dans notre coin, sans contrainte de temps ou d'objectif. Bah, je trouve que ça a aussi permis cette mise en lien et en réseau, et du coup, se rencontrer et cultiver un peu la confiance avec ce qu'on côtoie un peu comme milieu et ce qui s'organise ces derniers temps, notamment des congrès de charpente. Je trouve que ça a aussi permis, en fait, de pouvoir extraire des choses qui se bossaient ou qui se pratiquaient un peu à tangente sur des, je sais pas, des rencontres spécifiques, où en fait il y a aussi des binômes de tangente qui ont proposé des ateliers sur des rencontres de charpente. Pour moi, ça fait sortir aussi un peu de ce groupe, parce que le groupe a travaillé aussi un peu entre les personnes pour pouvoir proposer à des plus larges groupes, quoi. Bah ouais, moi je crois que j'aurais envie d'inciter les personnes. Il faut qu'on continue à se donner des formations, à se proposer des ateliers, et, parce qu'en fait c'est trop riche et trop chouette, quoi. Que ce soit entre nous ou à des personnes qu'on connaît pas, c'est trop bien. Man. Merci pour ce petit son. C'est clair, merci aux deux camarades qui ont bien voulu répondre à nos questions. Et on avait envie de faire un petit bilan, comme là on a quand même entendu plusieurs collectifs qui donnent des formations féministes et anticapitalistes. Et on voit quand même qu'il y a un peu aussi pas mal des mêmes questionnements, mais aussi un peu des mêmes ou des différents outils où on peut bien apprendre encore plein de choses pour nos formations qu'on donne. Et aussi, moi, j'aurais envie de vraiment animer des personnes pour donner des formations, parce que souvent, on a un peu peur ou on a l'impression « Oh, je ne suis pas assez pro ou assez avancée pour faire apprendre des gens ou pour transmettre mon savoir. » Et moi, j'ai très envie de dire, en vrai, c'est trop bien pour tout le monde qui a appris des trucs, de transmettre et vraiment aussi de réfléchir bien comment on a envie de transmettre pour se renforcer et de pas s'animer dans des trucs de compétition et tout. Je dis ça pour moi spécialement, petite dédicace à moi-même. Ouais, et puis je sais pas, là moi c'était une émission où il y avait plein de voix différentes et on voit aussi que j'ai l'impression que le moteur il est aussi au début de commencer à se renforcer, à se dire hey, mais en fait on sait des trucs et puis on se refile des billes, ah bah on peut les refiler à d'autres gens et que ça marche hyper bien et que là j'ai l'impression qu'on a abordé 4 crews différents en gros, mais qu'il y a plein de domaines où ça se passe et que ça c'est vraiment un peu magique. Moi je pense aussi, là on n'a pas parlé de tout le domaine de la musique, où on a écouté là pas mal de morceaux de Riot Girl. D'ailleurs, le dernier morceau qui vient de passer, je sais pas comment il s'appelle. Pas qui vient de passer, mais qui va passer. Ça... Ah. Mais je vais l'annoncer, c'est vrai. Ouais. Qui est aussi un domaine où les personnes elles, se retransmettent plein de billes et qu'elles apprennent et que ça fait du bien. La radio aussi, je pense que c'est le moment de faire des petites... Mais ouais, je pense que c'est le moment de faire des petites dédicaces aussi à toutes les camarades féministes là qui ont pris le temps de nous former, et puis comme on continue à se conformer comme un ouragan, et il y a les rencontres radio-rageuses qui arrivent qui vont faire ça aussi. Tout ça, et quand même personnellement, encore une petite dédicace, je fais beaucoup de dédicaces, mais je voulais remercier parce que je kiffe notre petit crew Toolbox, et voilà, pour dire je kiffe bosser avec vous, c'est trop bien, avoir toujours des discussions depuis 5 ans maintenant, et ça me fait avancer beaucoup, et je kiffe discuter autour de ces thèmes de transmission et de la posture, comment on se met dedans, comment on apprend nous-mêmes, comment on fait apprendre, comment c'est une ambiance chouette. Et voilà, de remercier tous les gens qui prennent le temps et l'énergie de donner ces formations sans se faire défrayer. Parce que j'avoue aussi, je trouve que c'est quand même un petit thème que souvent... C'est déjà souvent, on n'a pas le même salaire ou des difficultés de trouver des boulots dans ce domaine si on a une minorité de genre. Et je trouve ça trop classe que les gens y prennent quand même le temps et l'énergie de former d'autres personnes. Et alors, un grand merci à toutes ces personnes. Et voilà, on espère qu'il y a encore plein de personnes qui vont faire ça. Ouais, et puis moi ce que j'aime bien aussi là dans les interviews qu'on a écoutées, c'est qu'il y a plein de... On voit bien qu'il y a forcément des nœuds qui restent aussi à qui on s'adresse, comment on forme, comment c'est quoi ce truc aussi de renforcement d'un petit milieu, mais que ce qui est chouette c'est de se coltiner ces questions-là et de chercher à y aller quoi. C'est exactement ça. Et alors on va s'écouter un dernier morceau du mouvement Riot Girls, d'un groupe grec, qui s'appelle Testera, et Testera, c'est la chanson aussi qui s'appelle comme ça. Στο σκοτάδι. época.